Naitaji uwezo wako, naitaji uwezo wako Bwana uje mahali hapa. Ponda ponda milima, minyololo yanguke, utawala wako uje. Seigneur des Seigneurs, Jésus, que ton règne soit effectif dans nos vies comme il est au ciel. Ô éternel Dieu de gloire, prends le contrôle total de nos vies, prends le contrôle total de ton Église, prends le contrôle total de tout ce que nous faisons. Nous te soumettons tout, Seigneur, nous abandonnons tout entre tes mains. Seigneur, priez de ta gloire. Já dialelo.